de Pont-Aven à Sotheby, des mornes plaines à Saint-Rémy, et par centaines des corbeaux noirs dans tes migraines, dans ton regard, derrière l'église d'Auvers-sur-Oise, une lumière grise, un bleu turquoise, tu auras mis longtemps, tu auras mis longtemps, mais aujourd'hui, Vincent, Vincent, tes ténèbres s'éclairent d'un éclat de diamant. Près des chaumières de Chaponval, le ventre ouvert sous les étoiles, comme le dormeur du clair de lune, autour du cœur de taches brunes, ton sang. Oiseaux noirs en bord de plaine aux abreuvoirs, tu auras mis longtemps, tu auras mis longtemps à mourir calmement, Vincent. C'est ton corps.